L'actualité à Nancy et ailleurs. La MJC Trois Maisons accueille la 8e édition de la convention de jonglerie Bibas du 25 au 29 mai. Franck Bassetti, bonjour. Bonjour. La première édition, c'était en 2013. C'est ça. Et donc là, il y a eu 2 ans de pause obligatoire. En gros, on fête nos 10 ans, mais c'est la 8e édition. Et en tant qu'organisateur, qu'est-ce que vous ressentez à quelques jours maintenant ? Eh bien, on se prépare. On a déjà un week-end pour remonter les choses du grenier qui n'ont pas servi depuis 2 éditions. Même 3 ans quand on regarde dans le temps quoi. Donc on s'affrète et on va être prêt quoi, pour recevoir les conventionnistes et les Nanciens et les Lorrains et tous les Français qui veulent jongler ou pas apprendre, s'initier, débutants ou experts sont les bienvenus. C'est ça la différence entre convention et festival, c'est que là il y a une participation différente. Ah bah oui, déjà c'est 24 heures sur 24, ça arrive d'un peu partout de la France et puis c'est un regroupement de jongleurs, mais c'est aussi comme ça que certains jongleurs ont débuté, ils ne savaient pas jongler, hop, ils ont passé la porte d'une convention et puis depuis ils sont mordus. Tout le monde est le bienvenu. Et puis surtout, ça fait comme 8 éditions que Nancy accueille cet événement. Donc je pense la parade, notamment dans les villes de Nancy, ça fait quelques années que ça n'a pas eu lieu, quoi. Donc ça manque. Pour parler de cette pratique de la jonglerie, comment vous l'avez découvert, vous ? Comment vous êtes tombé dedans ? Par une convention. C'est aussi simple que ça. C'était à Bruxelles, il y a quelques années de ça. Je suis arrivé débutant, je faisais pas grand chose du tout, quoi. Et puis, j'ai été mordu. Et puis, à force, de convention en convention, c'est l'entraînement régulier. Et puis, ça vient petit à petit, quoi. Vous avez commencé à jongler avec quoi? Parce qu'on peut jongler avec n'importe quoi. Moi, j'ai commencé avec un bâton du diable vieille génération, ce qu'on appelle un golo. Oui. Que maintenant, il y en a presque plus qui jonglent avec cet agrès. Maintenant, c'est plus le flower stick, qui est un peu plus léger, c'est pas exactement pareil, quoi. De toute façon, la jonglerie évolue de jour en jour, notamment dans les agrès. Il y a des agrès qu'il y a maintenant qu'il n'y avait pas il y a une dizaine d'années. Et c'est parti pour encore plein de nouveautés, quoi. Ça sera le cas d'ailleurs du 25 au 29. Il y a des choses qui vont surprendre les déjà, visiteurs. Les spectacles, ils n'ont jamais été joués dans la région. On n'a pas que de la jonglerie dans les spectacles. Notamment, le premier spectacle, c'est Paul Keaton, un aïeux de Buster Keaton. Lui, il est perché sur son monocycle avec des chapeaux et tout ça sur le ton burlesque, quoi. Un spectacle jeune public et tout public dans la grande tradition du mime. Et aussi de la performance, parce que il va d'ailleurs donner un masterclass de monocycle dimanche en partenariat avec le Mémo sur le site du Mémo à la fin de la convention. Pareil pour les conventionnistes, mais aussi tous les gens de l'extérieur. Là, il faut se renseigner sur le Mémo pour s'inscrire au masterclass. Il y a énormément de choses sur ces journées. Si on devait retranscrire, vous avez dit que c'était 24 heures sur 24, si on devait retranscrire ce qui se vit un peu sur place, l'ambiance de Bibas. Donc c'est une rencontre. Il y a des échanges de savoir et de pratiques avec notamment des workshops d'initiation, des workshops de perfectionnement, des masterclass, donc c'est un peu plus long qu'un workshop qui peut durer 1 heure ou un peu moins, mais un masterclass c'est plus long. Et surtout, c'est des jongleurs, c'est l'occasion de se rencontrer. Il y a plusieurs conventions un peu partout en France, en Europe et dans le monde, même des gros rassemblements comme des conventions nationales de chaque pays, oui, chaque année, des conventions européennes. Alors là, cette année c'est en Espagne, là ça réunit des milliers de participants, quoi. Ils recherchent aussi l'ambiance festive, conviviale et aussi voir des performances et des beaux spectacles, quoi, en fait. La recherche des spectacles, c'est pas évident. On va dans les autres conventions pour repérer des numéros, pour repérer des spectacles qui n'ont pas été joués ici, etc. C'est pour vraiment offrir une programmation pointue, quoi, en fait, dans le domaine de la jonglistique. Et c'est ce qui fait venir des gens d'un peu partout, quoi, en fait. Quoi. Et des conventions dans le Grand Est, il y en avait d'autres ? Oui, il y en avait une très grosse à la frontière allemande, en Alsace, qui s'appelait la Glühwein. Et là, il y avait des milliers de participants, quoi, en fait. Il y a eu aussi une grosse convention feu à Rodemack, qui n'y a eu qu'une fois, quoi, mais c'était unique aussi, vu que c'était une convention axée sur l'agrès enflammé. Et là, on a la chance que ça se passe aussi à Nancy. Donc, donc à partir du 25 mercredi mai. Mercredi 25, oui. Voilà, alors parmi les temps forts, vous avez évoqué plusieurs choses. Mercredi 25, c'est le premier jour, on accueille les conventionnistes, il y a un premier spectacle, Paul Keaton, Western et Coquillettes, donc jeune public, il y aura des centres aérés, tout ça c'est le mercredi après-midi. Et dans l'ambiance festive sur le Blade à Barnum, il y a du Tubatomix, Sophie et Victor qui viennent passer les 40 ceintures pour ambiancer tout ça. Ensuite, le soir, il y a les concerts, il y a un groupe surprise, donc je ne vais pas dire ce que c'est. Et puis après, le premier groupe, il va y avoir la fanfare électro, les témoins de la joie. Ils apportent la bonne humeur et la joie, c'est du gros son avec des cuivres. Il y a Douleur Esquise, donc là c'est un peu plus rock, new wave et tout ça. Ça va se passer sous chapiteau. Et pour terminer la soirée au bar, il y a le Jean-David Harmonie qui vient ambiancer tout ça avec Liberté, Égalité, Karaoké. Ça promet de la joie et de la bonne humeur et de la rigolade, quoi. Ça, c'est pour le premier jour, pour lancer la convention. Et c'est surtout l'arrivée des conventionnistes qui peuvent arriver à n'importe quelle heure, même en pleine nuit, s'ils viennent de loin, des fois. Ouais. Et il y a le camping et le petit-déj le lendemain matin. Et puis après, c'est parti pour la première journée de la convention. On réexplique aussi où est-ce que ça se passe, du coup. Alors, ça se passe dans toute l'enceinte de la MJC des Trois Maisons, les deux grandes cours. La cantine se passe dans le bâtiment maternel. Et derrière, il y a le grand jardin partagé. Bon, il y a une partie potager et tout ça, bien sûr, mais il y a une grande partie où il y aura le camping. Et il y a aussi un chapiteau de planté dans le jardin pour s'entraîner, pareil, qui est tout le temps ouvert. Et voilà. Et le soir aussi, j'oublie, important, dans les cours, il y aura un espace feu pour les jongleurs feu. Oui, donc ça doit être assez impressionnant. Pareil, hein, ouais. Les conventions, c'est un peu les seuls endroits où les burners, les performeurs feu peuvent s'entraîner et performer, justement. Tout ça dans un cadre de sécurité, bien sûr. Et ça sera tous les soirs, hein, voilà. Avec notamment le vendredi soir, une scène ouverte feu, où là, ça sera plus sous la forme de numéros et de passages individuels ou par numéro, quoi, en fait. Un autre temps fort sur ces journées à noter? Eh bien, le samedi, grande journée avec la parade en ville, départ Porte de la Craffe, arrivée à la Pépinière, suivi des jeux de la jungle, des défis, des challenges entre circassiens et aussi pour le public présent à la Pépinière cet après-midi-là. Ensuite, nous avons un spectacle de rue, c'est la compagnie Alchimère qui nous présente en parallèle Jean Pichon et ses différentes expériences. C'est rigolo, c'est tout un univers décalé à voir. Et après, on se retrouve à la MJC pour deux galas, des galas uniques avec une dizaine de numéros, différents agrès, des artistes venus de toute la France pour présenter leur dernière création. Un numéro aussi repéré lors de la dernière scène ouverte, il y a de ça la dernière bibasse qui est programmée cette année au gala. Pour vous dire les indices, il y a même un numéro médaille d'argent au festival du cirque de demain. Il y a des numéros faits par les artistes qui font les spectacles à la bibasse les quelques jours avant. Enfin, c'est un cabaret unique de haut vol, quoi. Je vous invite à réserver vos places et à venir parce que là, ça se bouscule pour venir. Réservation conseillée sur Hello Asso, MPC et Trois Maisons. Quelle que soit l'heure à laquelle on se rend sur place, on trouvera quelque chose à faire et à vivre. Et à manger et à boire. Aussi, on fait des pizzas au feu de bois, il y a un snack, des frites, une cantine, hein, repas midi et soir, pour les conventionnistes qui sont là toute la semaine, mais aussi pour ceux qui viennent de l'extérieur et tout, où on mange très bien. On est bien connu pour une convention où on mange très bien. Après ces années d'absence, ça va faire plaisir de se retrouver. Il y a des gens qu'on n'a pas vus depuis quelques années, quoi, parce que pareil, les conventions sont faites très rares en temps de Covid. Il y en a quand même eu, avec des jauges très limitées, et là ça repart. Hein, là. Alors, en même temps que nous, il y en a une autre qui se passe en Bretagne, hein, qui est beaucoup beaucoup plus grosse que nous, qui existe depuis 25 ans. Et puis il y en a une juste avant, dans les Hautes-Alpes, et il y en a une juste après en Ardèche. Alors faut un peu rester dans l'Est, entre les deux, il y a la bibasse. Voilà. Merci beaucoup Franck. On retrouve les infos sur le site de MJC Trois Maisons, par exemple. Sur le site de MJC, il y a un Hello Asso MJC des Trois Maisons de l'événement, quoi. Il suffit de taper Hello Asso MJC des Trois Maisons, vous trouverez. Ou il faut réserver, parce que c'est vivement conseillé, notamment sous chapiteau, à un moment il n'y a plus de place. Pour la soirée concert aussi, on peut réserver. Et bien sûr, il y aura une billetterie aussi sur place. Hein, voilà. Merci beaucoup Franck. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.